Mosaïque. Bonjour auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Le parti Sahwanya Frodebou a accueilli les membres du parti Sahwanya Frodebou Nyakuri qui ont réintégré ce parti de Melchior Ndadaye qu'ils avaient quitté il y a près d'une décennie. Au niveau du parti Sahwanya Frodebou, il s'agit d'un retour au bercail, alors qu'au sein du parti Sahwanya Frodebou Nyakuri, il n'y a jamais eu aucune démarche pour parler de réunification et qualifie ceux qui ont rejoint l'autre parti d'usurpateurs en portant les signes du Frodebou Nyakuri. Certains anciens ténors du parti Sahwanya Frodebou restent à la tête des autres formations politiques. Dans le passé, les tentatives de réconciliation ont échoué. Aujourd'hui, malgré cette réintégration des anciens membres du parti Sahwanya Frodebou Nyakuri, on se demande si les frodebistes seraient en phase de se réconcilier pour garder une seule formation qui reflèterait l'idéologie de Melchior Ndadaye et ses compagnons. La réconciliation est-elle encore possible? Y aurait-il une volonté d'y arriver? Quels sont les défis à une telle initiative? Pour en parler, autour du plateau, nous sommes avec trois invités qui sont avant tout anciens et actuels membres du parti Sahwanya Frodebou. Honorable Léonce Nguenda-Koumana, vice-président du parti Sahwanya Frodebou, bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Et bonjour et je vous remercie de m'avoir invité sur un tel sujet qui est très intéressant. Nous sommes aussi avec Kefa Nibizi, ancien membre du parti Sahwanya Frodebou, aujourd'hui président du parti Sahwanya Frodebou Nyakuri Iragi Melchior Ndadaye. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Et bonjour, je vous remercie de m'avoir invité et je salue tous les auditeurs qui écoutent. Nous sommes également avec un autre ancien membre du parti Sahwanya Frodebou, aujourd'hui président du parti Radebou, honorable Jean-Dodier Moutabazi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour aussi, j'en profite pour saluer mes collègues honorables Léonce Nguenda-Koumana, vice-président du parti Frodebou, mon collègue aussi président du parti Sahwanya Frodebou Nyakuri Iragui Ndadaye, Kefa, ainsi que d'autres qui sont en train de nous écouter. Si vous les deux, je vous qualifie d'anciens membres du parti Sahwanya Frodebou, ça ne vous gêne en aucune manière? Ça ne peut pas me gêner. C'est un parti que j'ai vu pratiquement pendant une longue période, depuis les années 89 jusqu'au premier, à la première assemblée constituante. On y reviendra. Jusqu'à ce qu'on puisse se séparer avec certains de collègues, des collègues avec les différents divorces qu'on a connu. Voilà, à la réalisation de Mosaïque, Jérôme Nyonzima, Albert Ndouayo assure la mise en onde, Pacifique Chubahiro au micro et à l'animation de Mosaïque, je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Sans tarder, honorable Léonce Nguenda-Koumana, le 9 mars, vous avez organisé une rencontre où vous avez accepté publiquement que vous acceptez la réintégration de certains membres qui sortaient du parti Sahwanya Frodebou Nyakuri. À votre avis, peut-on parler d'un début de réconciliation entre les différentes formations ici du parti Sahwanya Frodebou? C'est vrai. Et le 9 mars, nous sommes retrouvés. Il est question de retrouvailles parce qu'ils n'ont jamais quitté le parti Sahwanya Frodebou. Parce que le parti Sahwanya Frodebou, ce ne sont pas des individus, vous l'avez dit tout, vous-même. C'est une politique, c'est une idéologie, c'est une conscience. Ils n'ont jamais perdu cette conscience. Ils se nommaient d'ailleurs les membres du Frodebou, du parti Sahwanya Frodebou Nyakuri Iragi Ndadaye, héritage de Ndadaye. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais quitté cet héritage. Donc, ça a été une simple retrouvaille, comme des Burundais quittent le Burundi, ils vont en Tanzanie, au Rwanda, en Europe, ils reviennent dans le pays. Alors, ils sont revenus dans le bercail. Pourquoi vous n'avez pas invité le président du parti Sahwanya Frodebou Nyakuri? Il a refusé ou Ce sont ceux-là qui ont exprimé la volonté de retourner. Nous, on ne force pas les gens de venir. Probablement que lui aussi, s'il est encore membre du Front Debout, qui se réclame de l'héritage de Ndadaye, ça veut dire que nous sommes ensemble en fait, en théorie. Président du parti Savanya Front Debout, Nyakuri, Kefa Nibizi, avez-vous été étonné par la réintégration au sein du parti Savanya Front Debout par vos anciens membres? D'abord, j'aimerais qu'on puisse corriger ce que vous avez dit. Il n'y a pas eu de membres du parti Savanya Front Debout, Nyakuri, Ndadaye qui ont réintégré le parti Savanya Front Debout. Et certes, c'était effectivement des anciens de notre formation politique. Certains avaient quitté notre parti pour aller dans une plateforme politique illégale à Pérez-Senaled, dans laquelle le parti Savanya Front Debout Nyakuri ne faisait plus partie. Le comité d'unité nationale de notre parti les avait exclus parce qu'ils avaient commis des fautes lourdes au sein du parti. À partir de là, ils étaient allés intégrer le parti Hanak. D'ailleurs, ils avaient représenté dans les provinces respectives. Et puis, ils ont commis d'autres fautes. On les a démis de leurs fonctions au sein du parti. J'avais eu des échos qu'on les réintégrait dans les organes provinciaux de leurs partis politiques. Ce qui nous a étonné, effectivement, c'est que de telles personnes qui viennent d'une autre formation politique, quand ils arrivent au sein du Front Debout, ils prennent le chapeau du parti Savanya Front Debout Nyakuri Ndadaye. C'est ce que vous avez qualifié d'isolateur des emblèmes ou du nom. Ce que je vous dis, c'est vérifiable. Si vous allez dans ces deux provinces, vous trouvez que ce que je dis est correct. À titre illustratif, par exemple, à Moaro, celui qu'on a accueilli provenait de la commune Bissoro. Il faisait aussi membre du conseil communal au nom de notre formation politique. Il avait déjà été exclu du conseil communal. Et là, je donnerai un conseil amical à mon ami ici, honorable Osingena Kumana. Vous hésitez lorsqu'il faut parler de grand frère. Qu'il faut veiller bien à ces personnes. En politique. On y reviendra. Il faut veiller plutôt à ces personnes. Ils avaient semé le désordre chez nous. Ils ont semé le désordre aussi du parti Hanak. Ils risquent de le faire chez vous. Alors, il ne faut pas fêter que vous avez accueilli de ces personnalités, mais là, c'est un crainte que je vous fais. Et à côté de ça, moi, je vous dis que j'ai été étonné. On accueille des anciens membres qui ont quitté le parti, qui reviennent. Vous appelez les médias, vous signez un contrat avec eux. Vous engagez à les intégrer dans les organes, cela m'a montré trois choses. La première chose, on peut penser que ce parti Savanya Front Debout n'avait pas des organes complets. Il cherchait déjà ici et là pour les compléter. Deux, c'est un signe de faiblesse remarquable quand quelqu'un qui avait déstabilisé votre formation politique, un isolateur qui vient de n'importe où, vous les accueillez. Vous signez un contrat avec eux, vous appelez les médias comme vous avez eu de grandes personnalités. Nous, dans notre formation politique, on accueille du jour au lendemain des membres qui proviennent du Front Debout. Si on allait appeler les médias, on les appellerait tous les jours. Mais cela veut dire que c'était la première fois qu'ils voient des membres qui adhèrent chez eux. Ils fêtaient. C'est ce que nous avons constaté. Mais en politique, il n'y a jamais eu du mal à accueillir les brebis égarées, si vous voulez parler des personnes qui pourraient même déstabiliser encore une fois le parti Savanya Front Debout. Politique seulement. L'enfant prodigue, vous savez. Mais quand il faut accueillir des gens, il faut être prudent parce qu'on aimerait être stable. Ils ne savent pas même exactement ce qui les amène chez eux. Ils auraient peut-être un autre agenda de déstabiliser davantage. Donc je pense qu'ils devraient être prudents au lieu d'appeler les médias. Puis ils devraient prendre du temps pour vérifier si ce sont des gens qui viennent avec une bonne intention. Mais parce vous, à part qu'ils ont porté les insignes et les emblèmes du parti Savanya Front Debout Nyakuri, vous n'êtes gêné à rien. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Les formations politiques accueillent du jour au lendemain les nouveaux membres. S'ils accueillent de nouveaux membres, ce n'est pas un problème pour nous, mais ce qui n'acceptons pas, c'est qu'ils disent qu'ils sont nos membres, nos représentants d'ailleurs, dans les provinces où ils disent provenir, alors que ce sont des gens qui viennent d'autres formations politiques, soit qui sont légales et d'autres qui sont illégales. Je Mon retour du côté du président du parti Iradebou. Vous, en tant qu'ancien membre du parti Sarawanya Frodebou, aujourd'hui à la tête d'une autre formation, quel est votre sentiment? Moi, je trouve que le geste qui a été posé par le groupe des anciens membres du Frodebou qui sont retournés au parti Frodebou, c'est un geste normal en politique. Et même au moment des images, j'ai vu que ils n'avaient pas amené les insignes du Frodebou Nyakuri, mais ils avaient mis les insignes du parti Frodebou et ils ont signé comme groupe, comme des individus qui adhèrent au parti Sarawanya Frodebou. C'est leur droit. Maintenant, ils ne se réclament plus du Frodebou Nyakuri. Deuxièmement, pour moi, ce que je vois, le geste est là. Si c'est un geste de positionnement par rapport seulement aux élections de 2020, je trouve que ce n'est pas ce qu'il faudrait faire. Parce que je distingue le parti Frodebou et le dadaïsme, parce que le dadaïsme, il est beaucoup plus idéologique, il est beaucoup plus philosophique, il transcende dans le temps l'idéologie de Melchior Ndadaye. C'est ce qui est plus important et qui pourrait être un trait d'union entre les membres du Frodebou, les membres du Sarawanya Frodebou, Nyakuri Ndadaye, les membres du Radebou, ainsi que d'autres qui se sont reconnus dans l'idéologie de Ndadaye en 1993, les membres des anciennes forces de changement démocratique avec l'OPP, le RPB, l'OPL, ainsi que d'autres qui, l'électorat du Frodebou, de Ndadaye, des forces de changement démocratique, qui ont refusé à ce que le dadaïsme soit décapité le 21 octobre 1993. Toutes ces forces vives qui se sont levées pour dire non à l'assassinat du président Dadaï, ce sont tous ce monde qui se retrouve dans le dadaïsme. Ça veut dire que ça transcende le processus électoral. Ça va au-delà. C'est ce qui, moi, m'intéresse. Non pas... Puisque les insignes du Frodebou aujourd'hui, ils peuvent faire un congrès et les changer. Même l'hymne, ils peuvent le changer s'ils veulent. Même un parti, aujourd'hui, les membres du Radebou peuvent décider même de le dissoudre ou bien de se coaliser avec d'autres. Même les membres du Sarawanya Frodebou Nyakuri peuvent dire on change ses insignes. Mais le dadaïsme, c'est très très fort. C'est ce qui moi m'intéresse, qui peut être un trait d'union entre nous qui sommes assis, nous les leaders de ces formations politiques qui sommes assis sur ce plateau, et même d'autres qui ne sont pas ici. Vous voulez parler d'une possible réconciliation? Absolument, il faut qu'il y ait une réconciliation, parce que il faut qu'il y ait une réconciliation idéologique autour des valeurs qui étaient prônées par le président Ndadaye. C'est ce qui m'intéresse. Parce que vous parlez de valeurs, il ne faut pas confondre la réintégration du parti Sarawanya. Non, pour moi, je ne peux pas. Par exemple, eux, ils ont médiatisé cela. Mais les membres du Frodebou qui vont au Frodebou Nyakuri Iragi Ndadaye, ce n'est jamais médiatisé. Mes membres qui quittent chez moi, qui vont au Frodebou, peut-être que ce n'est pas médiatisé. Les membres du Frodebou qui viennent chez moi ou qui vont ailleurs, ou bien d'autres membres qui vont aller au parti CNDD-FDD ou bien dans d'autres formations politiques, l'ORANAC, ce n'est pas tout le temps médiatisé, mais ça existe. Ça existe tout le temps. Ce qui m'intéresse, ce sont une réconciliation des idées, une réconciliation, arrondir les angles autour des grandes valeurs qui peuvent nous retrouver, le peuple burundais, à mettre en avant les grandes préoccupations du peuple burundais. Et même si nous parlons de l'idéologie dadaïste, du dadaïsme, il faudrait aller en profondeur dans le dadaïsme et vous allez retrouver les grandes valeurs qui réunissaient les Burundais, notamment à l'exil avec l'Ubu, avec le Bampel. Et quand tu vas encore en profondeur, tu vas retrouver l'idéologie indépendantiste de Gwagasore. C'est-à-dire que quelque part, le dadaïsme et l'idéologie indépendantiste de Ouagas, ils convergent quelque part. Parce qu'on voit que les forces vives qui ont voté pour l'indépendance et les forces vives qui ont voté pour le Ndadaï en 1993 et cette idéologie indépendantiste qui est prônée aujourd'hui, ça se croise quelque part, ça transcende l'OTAN. Donc parlons des idées, parlons des grandes idéologies. Et là, je te dis, on va se retrouver. Honorable Léonce Nguenda-Koumana, êtes-vous prêt à embrasser la trajectoire honorable Jean de Dieu Moutavazi lorsqu'il faut parler d'un rassemblement autour de l'idéologie de Ndadaye avant de penser la intégration du parti Sahraouine Afro-Débou? Je dois vous dire que je suis entièrement d'accord avec la projection de mon collègue Moutavazi Jean de Dieu sur cette question d'arrondir les angles, de nous rassembler autour des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, les valeurs qui fondent une nation n'ont plus de place. Un corrupteur corrompu, la corruption, c'est une valeur. Tuer ou assassiner une personne, c'est devenu une valeur. Emprisonner un citoyen une antivaleur qui s'est transformée en une valeur. Oui, maintenant, ce sont les antivaleurs qui sont devenues des valeurs. C'est là où je suis parfaitement d'accord avec mon collègue Moutabazi qu'il faut nous réunir, nous rassembler autour des valeurs qui fonde une nation, l'intégrité, l'excellence. En fait, l'idéologie de Ndadaye ne prenait que ça. Mais vous l'avez tenté dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui qu'on ait plusieurs formations encore ici? J'aimerais maintenant, aujourd'hui, à ce qu'on parle beaucoup plus de la réconciliation du Frodebo avec lui-même que de l'intégration d'un individu ou d'un groupe d'individus, mais de la réconciliation du Frodebo avec lui-même parce que, en fait, ce qui a divisé le Frodebo, c'est la crise. La crise a frappé le pays et a frappé le Frodebo puisque le Frodebo était au pouvoir. Et partant, il y a eu beaucoup de négociations. Et dans ces négociations, on mettait en avant le partage des postes de responsabilité, devenir ministre, devenir député, devenir sénateur, devenir gouverneur ambassadeur. À trois reprises. En 94 avec la convention de gouvernement. En 98 avec le partenariat politique intérieur. En 2000 avec l'accord d'Arusha. Donc, les gens étaient focalisés beaucoup plus sur le partage des postes de responsabilité que sur ces valeurs-là que Moutabazi évoque. Le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, par exemple. L'homme n'a plus... À un certain moment, l'homme n'avait plus sa place dans la société. On voit que même aujourd'hui, il y a la tendance à privilégier l'argent, les postes de responsabilité par rapport à ces valeurs-là. Il se pourrait que 2005 a été une date fatale pour le parti Sahraouine Afro-Débou. Non, je dois vous dire comment ces divisions au sein des partis politiques sont nées. En fait, avec ces négociations, convention de gouvernement, partenariat, accord d'Arusha, il y a partage des postes de responsabilité, comme je le disais. Alors, les gens ont mis en avant cela et ils ont pensé que quitter un parti et créer sa propre aile pouvait l'amener à devenir ministre, par exemple, à devenir député, à devenir ambassadeur. C'est ça qui a été à la base de la création de ces ailes des partis politiques. C'était une fausse idée, à votre avis. Sinon, comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui que nous sommes avec celui-ci à la troisième génération, alors qu'il se réclame du vrai Frodebo de Ndadaye? Lui se réclame du vrai Frodebo de Ndadaye. Est-ce qu'il se réclame de l'héritage de Ndadaye sans se référer au fondement du Frodebo que Ndadaye a créé? Quelle est la différence entre le parti que Ndadaye a créé, le Frodebo que Ndadaye a créé, et le parti Sahraouine Afro-Débou qui préside aujourd'hui Niakouri, le vrai? Est-ce que le parti que Ndadaye a créé est le faux? C'est le vrai qu'il a créé. Donc, où est la différence entre le projet de société qu'a présenté Ndadaye à la nation, le programme, les statuts, avec le projet de société et le programme du parti présidé par le président du Frodebo Niakouri aujourd'hui? Alors c'est ça, il faut débattre plutôt de ça pour voir si au niveau des fondements du Frodebo, au niveau des principes politiques et idéologiques, s'il y a des divergences. Sinon, ce qu'il est en train de dire à une personne qui est allée là à cause de la crise ou qui est allée là à cause d'un poste, celui-là, il peut à tout moment revenir. Mais s'il y a une divergence profonde sur la politique du Frodebo, le projet de société du Frodebo, en ce moment, s'il y a divergence, il ne peut plus se dénommer partie sa pour debout nyakuri s'il y a une divergence. Mais avec les précédentes tentatives de réconciliation, qu'est-ce qui a manqué pour que aujourd'hui vous puissiez aspirer à ce nouveau vœu pour penser à une réconciliation de tous les fraudebistes? Vous savez, en politique, il faut être patient. Il faut être patient. Je dois vous dire que nous avons tenté effectivement à 3 reprises avec le président Minani. Premier échec, ça a été dû au fait que nous, du Frodebou, avons créé une alliance, la DCI Kibili, avec les autres partis. Alors quand le docteur Jean Minani voulait entrer, il disait qu'il fallait d'abord quitter cette coalition pour qu'il entre. Mais il a dit à la dernière minute, quand on était déjà à l'hôtel Ego, à l'Ego Hotel, il a dit bon, la nuit j'ai reçu conseil. Il avait échangé avec le président Daïzé, je ne sais pas pourquoi. Et il a dit, si vous ne quittez pas d'abord préalablement la DCI Kibili, on ne peut pas se réunifier. On parlait de la réunification à cette époque-là. On ne peut pas se réunifier. Nous, alors que nous voulions renforcer le Frodebou pour qu'il soit le moteur dans la coalition à DCI Kibili, qu'il ait suffisamment de force pour imposer les principes, les procédures, les valeurs démocratiques. Alors, ça, c'est la cause de la raison du premier échec. Le deuxième échec a eu comme raison le fait que Minani se trouvait à l'extérieur, qui n'était pas à l'intérieur du pays. Il avait déjà fui le pays. Il a dit, bon, OK, on peut se réunifier, mais il faut attendre que je rentre dans le pays. Alors, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore rentré. C'est ainsi qu'à un certain moment, on a eu un groupe issu de ce qu'on appelle le Frodebou Nyakuri, qui n'existe pratiquement pas. Parce que s'il existe un vrai Frodebou, ça veut dire qu'il existe un faux Frodebou. Et cela ne peut pas coexister dans un ministère de l'Intérieur. Mais à ce niveau, on risque d'avoir un petit problème. Est-ce que penser aux gens, ce n'est pas penser à une réconciliation entre les anciens leaders du parti Sarawania Frodebou, plutôt que de parler de réconciliation des formations politiques ici du... C'est ce que j'ai dit. Focaliser ce débat sur les potentialités de réconciliation du Frodebou avec lui-même sur base de ce que Moutabazi a appelé valeurs qui fondent une nation, donc les principes et les valeurs idéologiques du parti Sarawania Frodebou. Si on retrouve autour des valeurs qui fondent la nation, ça veut dire un état de droit au Burundi, un état démocratique, une société juste et équitable, je suis sûr et certain que nous allons nous retrouver très rapidement. Kefa Nibizi du parti Sarawania Frodebou Nyakuri, les deux convergent sur l'idée de garder des valeurs véhiculées par l'idéologie de Melchior Ndadaye. À votre avis, pensez-vous que c'est encore possible de se réunir autour de cette idéologie? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord rappeler que, même si moi... Et honorable Osei Nganakomana, nous réclamons toujours héritier, gardien de l'étage du héros de la démocratie. Il faut noter que Ndadaye Melchior n'est plus une personnalité d'un parti politique. Il est devenu une personnalité nationale en tant que héros national. Il peut avoir un parti politique qui s'appelle X ou Y qui se réclame de lui. Ce n'est pas une faute parce qu'il est déjà devenu une personnalité d'ordre national. Mais il est devenu par le biais du parti Sarawania Frodebou d'abord. Non, c'est pas. D'abord, il est devenu parce qu'il y a une loi qui a été votée au Parlement qui l'a fait un héros de la démocratie. Alors, partant de là, je pense que c'est très important de parler effectivement des idées, de l'idéologie, et non des individus, et non aussi des formations politiques. Ça veut dire quoi? S'il y a un parti politique qui respecte et qui marche dans les valeurs laissées par le héros de la démocratie, son excellence Ndadaye Melchior, qui s'appelle A, il y a une autre formation politique qui s'appelle B, qui marche effectivement dans ces valeurs, une autre formation D ou C, les deux formations politiques ont un rapprochement très important parce qu'ils sont liés par l'idéologie, par une vision unique. Alors, parce que vous savez, quand déjà les individus sont ensemble, il peut y avoir des différends, effectivement, entre les individus. Et je pense que l'honorable Léo sera bien clarifié que ce qui a détruit le Frodebou, ce n'est pas des bases idéologiques, c'est plutôt un combat pour les postes. Il a décrit même les périodes, 1994, 1998, 2000. Alors et là, maintenant. Là, je voudrais qu'il en tire une certaine conséquence, une certaine conclusion. Qu'il y ait des problèmes internes chez eux qui ont fait qu'il y ait des dislocations. Qu'on ne revienne pas dire que toute formation politique a été créée sous l'influence du pouvoir, mais c'est plutôt les problèmes internes. Je me demanderai maintenant, le parti CNDD-FDD qui est au pouvoir, nous avons l'ADR qui a été formé par quelqu'un, quelqu'une qui provient de ce parti. On entend sur les médias une formation politique illégale qui n'est pas encore agréée, qui s'appelle PPD Girijambo. Nous avons vu des frondeurs, nous avons vu les menaces d'anonymat. Il y a l'ancien président Rajab Hussein, on ne sait pas où. Et ceux-là ont été influencés par qui? C'est le pouvoir qui a influencé le pouvoir. Alors que nous sachions à prendre nos responsabilités. Si nous avons eu des différends qui ont été difficiles à régler, il faut être conséquent et non pas chercher des facilités ou des boucs émissaires. Mais il n'est jamais alors, tard pour régler des problèmes. C'est ça, ce il faut régler un problème, il faut d'abord bien le définir, trouver les vraies causes et non pas déplacer les causes. Par exemple, pour nous, ce qui nous intéresse... Au parti Sarwania Frodebo, si on vous invitait du jour au lendemain pour participer à une telle séance, quels seraient les préalables au niveau du parti Sarwania Frodebo? Moi j'ai bien écouté ce que le président du Frodebo a dit. Il ne cherchait pas la réconciliation avec le Frodebo Nyakuri. Il cherchait les anciens membres qui ne cherchaient pas de problème. Alors, mais je ne sais pas s'il parviendrait à trouver tous les membres du Frodebo, parce que pour que le Frodebo gagne les élections en 2020... Ça veut dire qu'il y avait des membres qui connaissaient et d'autres qui ne connaissaient pas. Les nouvelles générations. Par exemple. Mm-hmm. Alors, donc, j'ai senti qu'il n'y a pas cette préoccupation. Comme il l'a dit, avant 2014, avant 2015, il y a une tentative de réconciliation. Nous sommes présentés à l'hôtel, à l'Ego Hôtel. Nous avons invité des journalistes, nous avons invité d'autres assistants, nous avons attendu que le Frodebo vienne, il n'est pas venu. Alors on se demande pourquoi continuer toujours à courir cette formation politique qui d'abord, vous savez, comme toute société ou une organisation, elle est née, elle est grandie, elle arrive à un niveau qu'on appelle apogée, elle commence à décliner. Pour nous, notre observation, bon, nous regrettons, on n'aimerait pas que ça soit ainsi. Mais suite aux différentes difficultés qu'a subi le parti Sahrawi Frodebo, nous voyons qu'il est en train de décliner, il est dans une phase de déclin. Alors, nous, quand on a voulu... Pourquoi vous n'invitez pas le Sahrawi Frodebo à rejoindre le parti Sahrawi Frodebo? On a voulu qu'on soit ensemble avant les élections 2015, ils se refusaient de venir. Aujourd'hui, quand vous les entendez, au lieu de ils ne cherchent pas à se reconcilier avec nous, ils cherchent les anciens membres. Qui connaît chercher les anciens membres, nous allons constituer une nouvelle génération politique. Ce que nous les promettons, nous allons quand même, nous allons rester sur cette réconciliation idéologique et nous allons éviter ces différends qui ils ont connus. Nous préférons plutôt, nous, rester sur la réconciliation idéologique pour ne pas aller se mêler avec les difficultés, les différends que les gens ont connus, aller porter ça sur notre dos. Alors quand c'est différent, oui, il y a, on n'était pas là, nous n'allons pas porter ce fardeau lourd qui a été connu dans le passé. Honorable Jean de Dieu Mutabazi, lorsque vous avez montré ce qu'il faudrait faire, c'est comme si vous vous adressiez à Honorable Léonce Ngendakoumana, donc au parti Sarwania Frodebo. Mais vous, au Radebo, pensez-vous que vous pourriez déclencher ce mouvement vers la réconciliation? Nous devons d'abord nous entendre sur le principe. L'honorable Léonce, il est d'accord qu'il faut mettre en avant les valeurs, les grandes valeurs que le président Ndadaye Melchior mettait en avant, lesquelles valeurs, je vous ai dit, en allant en profondeur, elles convergent avec les valeurs qui étaient prônées au moment de l'indépendance et même après. Alors maintenant, il soulève un problème de comportement et de développement de certaines antivaleurs. Je suis d'accord, totalement d'accord avec lui. Parce que surtout lorsqu'il met l'accent sur la volonté d'avoir des postes. Absolument. La gestion d'un État doit s'accompagner d'une certaine moralité. la gestion d'un État doit s'accompagner d'une certaine moralité. Ce n'est pas seulement au Burundi, mais c'est partout. Si dans tous les pays du monde, il y a des prisons et des prisonniers, si dans tous les pays du monde, il y a des juges et des avocats et d'autres, si dans tous les pays du monde, il y a des institutions qui défendent les droits de l'homme, etc., c'est parce que chaque nation doit être dirigée par certaines valeurs. Sinon, à l'absence d'une certaine distraction, automatiquement les antivaleurs se développent. Alors, premièrement, nous devons nous entendre que nous devons mettre en avant la défense d'un état de droit. Voilà. Il faut qu'il y ait un état de droit. Deuxièmement, il faut mettre en avant le développement et la démocratie. Laquelle démocratie fait respecter certaines valeurs, notamment les droits de l'homme. Mais de l'autre côté, il ne faut pas que les gens tombent dans le piège. Si nous avons eu des forces antidémocratiques, des forces négatives qui ont combattu le courant anti-indépendantiste dans les années 60, aboutissant même jusqu'à la décapitation du prince Louis Guagasore, ces forces négatives anti-indépendantistes n'ont pas disparu. Il faut qu'on les identifie ensemble. Si il y a eu des forces antidémocratiques qui ont abouti, qui ont culminé par l'assassinat du héros de la démocratie, Nader Melchior, et ses compagnons. Ces forces négatives antidémocratiques, elles sont là. Ce sont les mêmes qui ont fait qu'aujourd'hui, le parti Sahwanya Frodebouze soit disloqué en plusieurs formations politiques. Non, il faut d'abord s'asseoir ensemble et les identifier. Parce que nous avons des défis internes au sein des Burundais et au sein de tous ceux qui aspirent à ces valeurs-là que Ndada et Melchior prônaient. Mais il y a d'autres aussi qui sont à côté, qui nous guettent, qui peuvent dire « ceux-là ne vont pas, ils vont tomber dans le piège des conflits internes, puis on va revenir ramener nos valeurs anti-indépendantistes et nos valeurs antidémocratiques. » Donc nous avons deux sortes de défis à relever et deux comportements qu'on doit avoir. Et donc, il y a des défis en interne qui doivent nous permettre de nous rapprocher, c'est-à-dire en mettant en avant les valeurs d'Ondadaï, les valeurs de démocratie, les valeurs d'un état de droit. Mais également, nous devons aussi distinguer le véritable ennemi de l'indépendance, le véritable ennemi de la démocratie, pour qu'on puisse d'abord l'éloigner. Donc les deux aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de vous asseoir avec Honorable Léon Senghenda Kumana autour des valeurs prônées par Melchior Ndadaye pour émerger vers une seule direction, vers la lutte politique? Absolument rien. Rien ne peut m'empêcher à ce qu'on puisse s'asseoir et discuter sur ces valeurs et puis identifier les forces, ces forces négatives et ces forces négatives antidémocratiques qui nous empêchent de nous conduire au vrai épanouissement du peuple burundais. Honorable Léon Senghenda Kumana, pensez-vous qu'il y a encore des obstacles pour que vous vous retrouviez pour discuter autour des valeurs de Melchior Ndadaye afin d'envisager le futur politique suivant l'idéologie de Melchior Ndadaye? Les obstacles ne peuvent pas manquer. Le fait même que nous nous sommes séparés... On n'avait pas les levés. C'est la question. Bien sûr, c'est ce qu'il disait. On va se retrouver certainement dans les prochains jours. Parce que, contrairement à ce que pense mon collègue Kefa, toutes ces initiatives de réconciliation sont venues du Frodebo, pas du Frodebo Nyakuri. Maintenant, il n'a jamais initié qu'on se rapproche. Nous l'avons appelé en lui disant qu'il a commis une erreur de prendre le parti de Melchior Ndadaye et d'y adjoindre en bout de mot Nyakuri, hein, après 18 ans. Mais il faut le faire alors, vite parce qu'il a parlé alors, dans... Je vais le rassurer d'abord. D'une disparition du parti Sahwanya Frodebouze. Je vais le rassurer d'abord. Vous restez tel que nous vous ne sommes pas contre le rapprochement avec le Frodebouze, avec le parti Sahwanya Frodebouze Nyakuri Ndadaye. C'est très difficile pour moi d'ailleurs de prononcer. C'est très compliqué. Bon, le nom, je parle du nom. Mais comme il l'a déjà indiqué, au niveau du fond, au niveau des fondamentaux, nous n'avons pas de divergence. Pour moi, c'est déjà Une grande base. C'est déjà une étape. C'est une base, franchement. Pour Mutabazi, c'est très clair. Sur ces valeurs que prenait le président Mekiro Ndadaye, il est tout à fait d'accord à 100%. Mais lui, il pense, il est dans la logique de créer une nouvelle génération. Alors, c'est quelque chose qu'il va expliquer, bon, pas maintenant, mais probablement dans le temps, comment il va s'éloigner de cette idéologie du président Mekiro Ndadaye et créer probablement notre parti. Ça sera notre parti. Ça sera une évolution aussi pour lui, parce que ces antagonismes de deux noms des partis politiques, c'est très compliqué aussi. C'est bon que tu penses déjà à la création d'un nouveau parti sous forme d'une nouvelle génération politique. C'est bon. Mais il a dit quelque chose d'assez important aussi, qu'il compte rester, en créant cette nouvelle génération, qu'il compte rester attaché, sur l'idéologie, le projet de société que proposait le président Melchior Ndadaye. Donc, vous avez poser la question à Mutabazi, pourquoi est-ce qu'on ne se retrouve pas pour discuter? Des fois, on se retrouve, on discute, on échange, même autour d'un verre. Vous m'avez posé la question de savoir s'il y avait encore des obstacles. Je dis, l'obstacle majeur serait le fait que il ne croirait plus dans l'idéologie du président Melchior Ndadaye, ou c'est presque la même idéologie que le prince Louis Gwagasore. Mais comme il est fondamentalement attaché à cela, les autres, ce sont des choses qu'on peut régler à tout moment. Mais le problème, c'est à entendre Jean de Dieu Mutabazi, c'est comme si les forces qui ont arrivé à la dislocation du parti Savoyen-Frodebo seraient venues de l'extérieur plutôt qu'à l'interne. Partagez-vous la même idée? Il y a des responsabilités externes, il y a des responsabilités en interne au parti aussi. Mais on ne peut pas continuer à parler de forces négatives lorsque vous vous êtes engagé à vous réconcilier. La force négative est automatiquement écartée. Nous restons attachés par ça, mais la nouvelle génération, à partir de 2005, si le parti CNDD-FDD n'avait pas détruit l'accord d'Arusha, on serait très loin aujourd'hui avec la maîtrise de la question ethnique, par exemple. On serait aujourd'hui dans une phase du développement économique et social du pays, dans une phase de réconciliation. Mais malheureusement, nous sommes retombés dans les logiques militaires, dans les logiques ethniques, à cause de la perte de ces valeurs qu'évoquait Mutabazi. Tant que vous parlez de la situation ou de la configuration politique aujourd'hui, pensez-vous que ceux qui sont à la tête de différentes formations politiques et anciens membres du parti Savoyen-Frodebo sont toujours intéressés à se retrouver autour des valeurs de Melchior Ndadaye? Bon, je vous ai dit qu'il y en a qui restent figés, qui restent prisonniers par ce qu'ils ont acquis aujourd'hui, hein, légalement ou illégalement. Ceux-là, le faire est retourner au Frodebo sur base de ces valeurs qui empêchent ce qu'ils sont aujourd'hui, ça ne marchera pas. Supposons par exemple que le parti Savoyen-Frodebo Nyakuri ait été créé par le pouvoir. Ce qui n'est pas et vrai. Que le pouvoir est toujours là. Moi, je le sais. Je sais comment le Frodebo Nyakuri est né. Vous n'étiez pas encore là. Ce qui n'est pas fils. Vrai. Vous savez où c'est l'été. Je sais. Une crise a éclaté au niveau du gouvernement. Nous avons quitté le gouvernement parce que nous n'étions pas d'accord avec le pouvoir CNDD-FDD de faire fonctionner l'État en dehors des compromis historiques qui se trouvaient dans l'accord d'Arusha. Nous avons quitté. Alors quand nous avons quitté, ils ont négocié de manière discrète avec le président du Frodebo Minani. Au lieu d'avoir 5 ministères, ils nous ont donné 3. Vous en étiez au courant. Hein? Ils ont dit, bon, vous êtes faible. On vous donne trois prénoms d'eux. Ils se sont partagés les ministères du Frodebo. Alors nous avons dit, bon, monsieur le président Minani, tu dois dénoncer clairement cette violation de la constitution par le pouvoir Nkurunziza. Il a refusé et nous avons décidé de lui soumettre à un comité de discipline au sein du parti Frodebo. Alors au lieu de se soumettre aux décisions du comité de discipline, ils ont préféré, avec le pouvoir, créer le Frodebo Nyakuri. Alors, le ministre de l'Intérieur qui était là, il avait refusé à Minani l'agrément de son parti. Il s'appelait Kamana Vena, je pense. Il avait refusé, il a été menacé. Tout ça, tu ne sais pas. Toi, tu as vu naître le Frodebo Nyakuri. Tu ne sais pas comment il est né. C'est ce que vous croyez. Il est né comme ça. Il est né comme ça. Mais aujourd'hui, ça y est, aujourd'hui, le président. Non, mais ce n'est pas une préoccupation, ça. Ça a été. Même après, j'étais en train de lui informer tout simplement. Non, non, ça, ce n'est pas une information nouvelle. C'est une information trompée pour tromper l'opinion. Non, c'est ça. Alors, ce que je veux, c'est qu'il accepte que nous restons tous fondamentalement attachés aux valeurs et aux principes démocratiques que prenait le président américain Ndadaye Moutabazi, vient de le dire clairement. Instaurer au Burundi un état de droit, instaurer au Burundi un état démocratique, instaurer au Burundi une société juste qui met l'homme au centre des préoccupations, qui ne met pas le poste, l'argent au centre des préoccupations. Il faut respecter une personne indépendamment de ce qu'il est. Et ça doit commencer par le Parti Soignant-Frodebo. Oui, bien évidemment, c'est le Parti Soignant-Frodebo qui est à la base de toutes ces valeurs. Mosaïque. L'émission c'est Mosaïque. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous parlons d'une possible réconciliation entre anciens membres du parti Soignant-Frodebo. Après la réintégration de certains membres ou anciens membres du parti Soignant-Frodebo Nyakuri, mais également anciens membres du parti Soignant-Frodebo. Autour du plateau, nous sommes avec trois invités, honorable Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Soignant-Frodebo, Kefa Nibizi, président du parti Soignant-Frodebo Nyakuri, Iragijya Melchior Ndadaye, honorable Jean de Dieu Moutabazi, président de Radebo. Kefa Nibizi, aujourd'hui vous parlez d'un parti qui semble disparaître sur la scène politique, mais en même temps vous réclamez des tenteurs d'une idéologie qu'il a fait naître. Pensez-vous qu'il faudrait laisser le parti Soignant-Frodebo couler ou faudrait-il, si le parti Soignant-Frodebo Nyakuri voudrait prendre relève, évoluer avec ceux qui ont fondé le parti Soignant-Frodebo? Mais ce n'est pas un nouveau, parti. Merci, c'est toujours le parti Soignant-Frodebo. Merci beaucoup. Ce n'est pas le nouveau. C'est à lui de répondre, honorable. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on puisse faire une différence entre une idéologie et une formation politique. Vous savez qu'aujourd'hui, on célèbre toujours, il y a 56 ou 57 ans, on célèbre l'indépendance. Mais ce n'est pas le parti qui a amené l'indépendance, qui est maintenant, qui a les rênes du pouvoir maintenant, malgré ça. Mais l'idéologie indépendantiste, les acquis de l'indépendance, tous les Burundais, les sauvegardes, même s'ils ne sont pas dans cette formation politique, qui a fait que le pays ait l'indépendance. Je pense que même pour la démocratie et le héros de la démocratie, on doit dissocier les valeurs démocratiques, les valeurs qui nous ont réguées par le héros de la démocratie, son excellence, M. Ndadaye, on doit les dissocier avec la formation politique qu'il avait créée à l'époque, parce que ce sont des valeurs qui deviennent de plus en plus nationaux. National plutôt. Alors, avant que je continue, il faudra que je clarifie certaines opacités qui ont été évoquées par mon collègue ici, honorable M. Ndakumana. Quand nous avons parlé de génération politique, de nouvelle génération politique, oui, il pense qu'il s'agit de la création d'un nouveau parti politique. Ce n'est pas ça. Pour vous, le parti déjà existe. C'est Frodebo. Ça veut dire c'est quoi? Le Frodebo. Ça veut dire, je suis en train de répondre aux journalistes. ça veut dire que il y a une idéologie qui est là, qui est nationale, qui doit être dit héros de la démocratie, Ndadaye Melchior, et non pas dit Frodebo. Dit parti. L'idéologie, c'est le parti, ce n'est pas la personne. Mais vous savez que Ndadaye Melchior est déjà devenu un héros national reconnu par la loi en tant que tel. Ça ne cause pas de problème. On considère, alors, nous, pour vous, identifier le héros de la démocratie par rapport au Soignant-Frodebo, c'est une erreur. Ça sera se tromper beaucoup, beaucoup. C'est pour cette raison que quand on dit qu'il faut créer une nouvelle génération politique, ça veut dire une nouvelle génération politique qui va défendre finalement les valeurs du héros de la démocratie, parce que comme il a déjà évoqué, des problèmes internes au sein du parti qu'il avait créé ont fait que la majorité des cadres de son parti s'écartent de cette valeur pour les postes. Ça s'est déjà dit. Il vient de dire les différends entre Sonka et Minane, ils n'ont pas de poste. Mais ça, ce qui nous anime, ce ne sont pas des postes, ce sont les valeurs. C'est pour cette raison même que dans la configuration de nos organes aujourd'hui, nous avons essayé, non pas de mettre de côté, mais de ne pas toujours tourner en rond dans ces difficultés qui ont émaillé les anciens cadres du parti qui a été créé par le héros de la démocratie. Donc, c'est pour cette raison que je ne voudrais pas d'ailleurs m'éterniser là-dessus. Donc, il faudra comprendre la génération politique, la nouvelle génération politique, une génération qui n'est pas très liée à ses acquaintances et qui ont fait que le parti Sonia Fodebo se disloque. Vous savez ce qu'on disait, je ne vais pas répéter ici, les conflits qui se disaient à la radio. Nous, comme il a dit, on n'était pas là et nous sommes contents. Parce que si on était là, on serait encore lié par ces différents. Mais maintenant, nous sommes capables d'être distants de ces différents, mais de prendre le relève des valeurs positives. C'est ça que je veux donc dire en un peu de mots. Donc, cela vous avez étant... laissé de côté les antivaleurs c'est ça, parce que des fois, nous garder les valeurs évoluer avec. Je pense qu'il a dit bien, monsieur honorable. Il faut être clair. Est-ce que vous êtes dit Frodebo, vous n'êtes pas dit Frodebo? Parce que vous parlez d'héros, vous ne parlez pas du Frodebo. Ils ont gardé les valeurs. Écoutez bien. Dans le Frodebo ou en dehors du Frodebo? Dans une nouvelle formation. Nous sommes... Dans une nouvelle formation, oui. C'est ce que j'ai qui s'appelle Sonia Frodebo Nyakuri. Il a dit ça, ce n'est pas du Frodebo. Est-ce que vous direz que Jean-Pierre et Pierre, ce sont les mêmes personnes? Non. C'est une nouvelle formation politique qui veut rénover les valeurs laissés par le héros de la démocratie qui ont été torpillés par les conflits intestines internes au cadre du Frodebo. Vous voulez rénover le Frodebo? Vous êtes dans le Frodebo? Non, nous voulons rénover les valeurs du héros de la démocratie. Dans quel parti? Le Seigneur Frodebo Nyakuri et Gandadaï. C'est un nouveau parti, qui c'est une nouvelle formation. Qui est différent du Frodebo, d'Ondadaï. Ah oui, Ndadaï a créé le parti Frodebo en 1992. À quand date la formation Seigneur Frodebo Nyakuri? Je pense que... Ça, c'est officiel. Non. C'est ce que j'ai dit ici. Ce que vous êtes au Frodebo, vous n'êtes pas au Frodebo. Je suis en train de répondre au journaliste. Il a été clair qu'il garde les valeurs du président. Ce que le peuple a besoin aujourd'hui, ce ne sont pas les nominations des partis politiques. Ce sont les valeurs. Et c'est un parti... C'est un parti... X ou Y ou Z qui va mettre en place les valeurs. Le peuple sera satisfait. Est-ce que le cadre d'une formation politique, le nom d'une formation politique est entaché des antivaleurs? On va mettre ça de côté. C'est ça. Donc nous, on se méfie de ces nominations. On ne veut pas porter encore sur le dos les différends, les chicaneries, les incohérences que les anciens cadres du Frodebo ont connu, malheureusement, peut-être... Au sein du Frodebo. Dépendamment des difficultés qu'ils ont connues, mais on veut avancer avec les valeurs que nous ont laissées le héros de la démocratie aujourd'hui. Dans une autre formation politique. C'est ça ce dans que une autre formation politique. Ce que je veux clarifier. En fait, voilà, qu'est-ce qu'il faut clarifier, monsieur le journaliste? Deux minutes. En fait, l'idéologie d'Ondadaï, les valeurs d'Ondadaï se trouvent dans son projet de société. Est-ce qu'il est encore avec son projet de société du Frodebo? Parce que Ndadaï avait un projet de société. Voilà. Où se trouvent toutes ces valeurs? Voilà un autre problème. Ndadaï avait un projet de société dont on en est trois. Pensez que d'ici 26 ans, on ne peut jamais évoluer parce que les difficultés, les problèmes d'alors, de 1993, certainement... Vous voulez rénover son projet de société alors? Je vous donne un exemple. Vous pouvez le rénover. Est-ce que monsieur honorable, en 1993, y avait-il des chômeurs? Je pense non. Bien sûr. Non. Toute personne qui terminait les écoles à l'époque comme aujourd'hui, il pouvait avoir facilement de l'emploi. Est-ce qu'en 1993, on avait une armée mono-ethnique qui proviennent presque uniquement de Burundi? Aujourd'hui, nous avons une armée composée de toutes les ethnies, en provenance de toutes les provinces. Faut-il évoquer cette question qui a été résolue? C'est ça ce que nous voulons vous montrer. Que ces gens-là sont toujours liés par le passé. Ils ne veulent pas évoluer. Ils ne veulent nous embrigader dans cette logique. Nous ne referons pas. Ça veut dire que vous allez quitter le Frodebou. Honorable Jean-Dieu Moutabazi, nous sommes vers la fin de l'émission. On sent que vous parvenez à vous entendre sur les valeurs véhiculées par Mekion Dadaï, mais justement pour vous retrouver et en discuter, qu'est-ce qu'il faudrait faire au regard du contexte politique d'aujourd'hui? Ce que je devrais demander à l'honorable Léon Senghendakoumana, si nous partageons cette idéologie, ces pensées, ces valeurs véhiculées par Melchior Ndadaye, lui aussi doit accepter qu'il ne doit pas les monopoliser. S'ils sont partagés par d'autres, ça serait encore mieux. Bien sûr. Je pense qu'il est d'accord. Oui, oui. Donc, ils peuvent aussi, ces valeurs peuvent aussi être acceptées par d'autres. C'est ce que nous voulions même entrer à le Frodebou. Donc je reviens, pourquoi est-ce que... Mais il tient à ce que ça ne soit pas dénaturé. Oui, ça c'est toi qui le dis. C'est pas le Frodebou qui doit monopoliser les grandes idées de Ndadaye. Il faut plutôt les partager. Absolument. Deuxièmement, si on veut sortir des différents divorces, faire le chemin inverse de conciliation des idées, de réconciliation, etc., il ne faut pas le faire à moitié. Parce que les grands moments de déchirement, de séparation et de divorce ne viennent pas seulement récemment avec la naissance du Frodebou, du Sawanya Frodebou Nyakulagi Ndadaye. Il y en a que nous avons connus dans les années 98 avec la naissance du Sangwe Pader. Il y a eu une séparation aussi. Mais longtemps avant, il y a eu vers 94, après l'assassinat de Ndadaye Melchior, il y a eu un éloignement, un divorce entre les idées, les programmes prônés par le président Ivan Nungagna et l'autre pensée qui était véhiculée par Nyangoma Léonard, c'est-à-dire concilier la conquête du pouvoir de manière pacifique et d'autres qui étaient pour la lutte militaire. Et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on est assis ici. L'ancien président Ivan Nungagna et Sekou Nyangoma ne sont pas encore entendus pour concilier la démocratie et la lutte militaire. C'est pourquoi que quand je parle de concilier les idées, parce qu'à un certain moment, au Frodebou, on parlait de créer un vaste rassemblement. Je pense que Léon, tu t'en souviens. Oui. On parlait d'un vaste rassemblement. C'est pourquoi il faut arriver à ce vaste rassemblement qui permet à concilier ces idées, la démocratie, la lutte militaire, les valeurs qu'il faut prôner, la gestion d'un État, les grandes idées. Sinon, si on regarde seulement l'échéance électorale 2020, on ne va pas y arriver parce qu'on va alors tomber dans le piège des postes. Alors, la première réconciliation qu'on doit avoir, c'est d'abord la réconciliation des idées. Aussitôt qu'on sera entendu sur les idées, l'idéologie, ça sera très facile. On ne va plus être embrigadé par les insignes. On ne va plus être embrigadé par les échéances électorales. C'est pourquoi je prends d'abord qu'il y ait une réconciliation des idées. Honorable Léonce Nguendakoumana, pensez-vous que le parti Sawanya Frodebou pourra faire tout pour rejoindre d'autres formations et se coaliser vers ces valeurs que vous voulez mettre en avant pour continuer dans le chemin tracé par Melchior Ndadaye? D'abord, il faut bien noter que toutes les ailes du Frodebou se réclament de l'idéologie ou de l'héritage du président Melchior Ndadaye. Alors, en somme, si c'est vrai, s'ils sont de cette idéologie, de ces valeurs, comme Moutabazi le disait, ça devient très facile pour régler les autres petites questions liées au poste, liées à la crise, ils sont partis ici ou là. L'essentiel, c'est qu'on se mette d'accord sur ce que nous voulons. Nous voulons bâtir un état de droit dans ce pays. Nous voulons bâtir un état démocratique. Nous voulons bâtir une société juste et équitable où chacun citoyen est libre indépendamment de son rang social, indépendamment de ce qu'il a. Alors, s'ils sont d'accord avec ça, ce sont ces valeurs-là que prenait le président Melchior Ndadaye, qui prenait même le prince Louis Gwagasore. S'ils sont d'accord avec ça, qu'ils construisent cela là où ils sont, qu'ils construisent cela avec le Frodebou, il n'y a pas de problème. L'important est qu'on s'engage sur ces valeurs avec conviction. C'est ça qui est très important, c'est ça qui est très intéressant. Moutabazi l'a bien dit, toutes ces valeurs ne sont pas une propriété privée du parti Frodebou, du héros Melchior Ndadaye. Ndadaye avait conçu cela avec son parti pour faire du Burundi une nation digne, une nation unie, une nation réconciliée, une nation prospère. Alors, s'ils sont dans cette logique, je peux vous dire tout de suite que le Frodebou n'oppose aucune autre condition que mettre en avant ses valeurs, ses principes. Le jeune ici qui parle de nouvelles générations politiques dans l'air, il doit être formé. Il doit être formé pourquoi? Parce qu'il ne peut pas. Vous allez me désorienter vraiment. En conflit de génération, c'est par rapport à un projet de société, ce n'est pas par rapport aux individus. Ça veut dire que. Si on subissait votre formation, on serait déformé vraiment. Totalement. Non, vous parlez de nouvelles générations. Par rapport au projet de société que prenait notre président, ça veut dire que vous voulez le révolutionner. Bien sûr. Et le révolutionner, ça veut dire prendre en compte ce projet et au sein du Frodebou. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas faire autrement parce que vous dénommez Frodebou Nyakuri. Ça veut dire le projet de société de Ndadaye. Si vous ne marchez plus sur base de ce projet de société, vous n'êtes pas les héritiers du projet de société Ndadaye. Il n'y a pas de problème. On niait déjà. Alors, je dis, nous avons déjà commencé avec la réconciliation. Les échecs en science. Un échec ne signifie pas forcément un résultat négatif. Ça veut dire que vous pouvez faire une recherche, vous arrivez à 99%, ça ne marche, vous n'arrivez pas à ce que vous voulez. Mais l'autre qui va suivre, il part, la base c'est ce que vous avez déjà fait dans cette recherche, il y arrive très très rapidement. Donc, nous avons tenté, nous avons échoué dans un premier temps, mais je viens de vous dire, il y a deux groupes qui ont déjà rejoint le Frodebou aujourd'hui. Même les autres qui restent, ils vont venir prochainement. S'ils sont évidemment les héritiers du président Melchior Ndadaye. Parce que tous les héritiers du président Melchior Ndadaye doivent se retrouver. Ils ne viendront pas du Seigneur Frodebou Nyakuri Ndadaye, proviendront d'ailleurs peut-être. Chez nous, on ne viendra pas. Vous allez nous appeler au moins pour qu'on vienne chez vous. Bah ça, il faut commencer maintenant. Et nous appelez-nous. Appelez-nous. Il faut commencer maintenant. Appelez-nous alors. Une minute avec Kefa Nibizi. En quoi vous engagez pour garder les valeurs de Melchior Ndadaye si vous tenez à ce qu'elle soit rénovée, mais toujours restée dans son idéologie? Bon, je dois saluer ce qu'a exprimé honorable Jean-Didier Moutabazi, qu'il ne faut pas monopoliser les idéaux des héros de la démocratie, soit d'être partagés partout. C'est d'ailleurs, c'est ça la réussite. Si vous avez une idéologie et qu'elle est gardée par vous-même, vous avez échoué. Mais c'est une idéologie forte, elle doit être appréciée et par les autres, elle se transmet progressivement. C'est quand même le mérite qu'on peut dire aux héros de la démocratie et à ses compagnons d'avoir élaboré cette idéologie qui nous arrache jusqu'à maintenant. Ça, il faut quand même le dire. Donc, nous sommes prêts et nous sommes là pour ça, pour sauvegarder, parce que nous espérons que la démocratie est la meilleure valeur de gouvernance qui soit dans le monde. Au moins, toutes les valeurs qu'on a connues, tous les systèmes de gouvernance que nous avons connus dans le monde, quand on lit l'histoire, je pense que la démocratie est la plus meilleure. Ce qui reste maintenant, c'est de voir comment faut-il l'améliorer. Parce que notre pays est une jeune démocratie qui peine effectivement à évoluer à cause de ce que Honoré Moutamazé a dit, qu'il y a des gens qui sont anti-indépendantistes et anti-démocrates et qui sont toujours là. On doit essayer de les vaincre. Et là, on n'est pas forcément obligé d'être dans un même parti politique. Ce que je dirais à l'honorable Léon, c'est qu'il y a deux façons de collaboration des partis politiques. C'est soit la fusion ou la réunification, ou ce sont des coalitions qui se font pendant les élections. On n'est pas donc obligé d'aller se chamailler pour des spéculations, c'est dans mes partis politiques. Mais il y a beaucoup d'autres formes. Mais là, jusqu'à maintenant, je vous dirais qu'au sein de notre formation politique, on ne s'est pas encore prononcé sur cette forme que j'ai dit. Mais il ne faudrait pas que les gens monopolisent, chantent qu'on doit toujours être dans les formations politiques pour être héritier du héros de la démocratie, mais plutôt il faut mettre en avant les valeurs et non les formations politiques. C'est la fin de l'émission Mosaïque. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, on discutait autour d'une possible réunification entre anciens membres du parti Sawanya Frodebou. Une réconciliation qui, pour certains, doit passer par la reconnaissance des valeurs prônées par Feu Melchior Ndadaye. Au studio, nous étions avec trois invités, anciens membres et actuels membres du parti Sawanya Frodebou. Nous étions avec Honorable Léon Singendakoumana, vice-président du parti Sawanya Frodebou. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Mosaïque. Et merci beaucoup. Je dois exprimer ma satisfaction parce que tous mes collègues restent attachés aux valeurs démocratiques, aux valeurs d'un état de droit qui mettent de côté les intérêts sectaires, qui mettent de côté l'orgueil, qui mettent de côté être toujours prisonnier du passé, des schémas ethniques ou des schémas ou des logiques militaires. Ça m'encourage. Ils sont en train d'évoluer. Nous disons également merci à Kefani Vizi, président du parti Sawanya Frodebou Nyakuri, Iragi Dia Melchior Ndadaye. Et merci vous aussi de nous avoir invités. Nous sommes également ravis du fait qu'on commence à comprendre que le héros, donc l'héritage des héros de la démocratie ne doit pas être focalisé dans une seule formation politique, mais doit être partagé par tous les Burundais qui désirent vivre dans une démocratie véritable. Nous disons aussi merci à Honorable Jean de Dieu Moutabazi, président du parti Radebou. Je vous remercie aussi de m'avoir invité. Je remercie aussi les contributions de mes collègues ici présents. Et ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, les forces vives de la nation ont des préoccupations. Il faut absolument qu'à travers une vraie réconciliation, une vraie conciliation des idées, on puisse apporter la réponse qu'ils attendent. C'est là que Gwagasore a donné à un certain moment, c'est là que Ndadaye Melchior a donné à un moment. Il faut aujourd'hui que cette réconciliation puisse avoir lieu. À la réalisation de Mosaïque d'aujourd'hui, Jérôme Nyonzima, Albert Ndouayo assurait la mise en onde, Pacifique Chouvahiro qui était à l'animation de Mosaïque d'aujourd'hui. Je vous souhaite de continuer à suivre les émissions de la radio Isanganiro. Mosaïque.